Le voilà, Guillermo. Absolument. Le voilà. J'ai failli dire le voilà, mais c'est t'aurais pas dû, si. T'aurais dû. C'est ça pas va, si. Ça va, les amigos? Si. Oui, bien sûr. Mais vous me connaissez, moi, je suis de gauche, non? Ouais. Genre, non. C'est une question. Si j'avais un enfant, c'est sûr que je l'appellerais Robert U. C'est sûr. Et si c'est un garçon, pareil, quoi. Vraiment, j'ai plein de valeurs et tout. J'ai des valeurs. L'autre fois, j'avais partagé mon Kiri avec Leïla, alors que ton Kiri, normalement, ça se partage pas, tu vois, c'est comme ta carte bleue et ton herpès. Moi, j'ai été élevé comme ça, dans les valeurs de solidarité et d'humilité. Mmh. L'humilité, c'est important. Du coup, quand j'ai lu Keylor Navas, le gardien du PSG, il accueillait 30 réfugiés ukrainiens chez lui, forcément, je me suis dit, comment il se la pète ce manque d'humilité. Moi, je suis beaucoup plus digne dans le drame ukrainien. Tout ce que je fais pour les réfugiés, croyez-moi, c'est pas dans les journaux. Hein. Alors, je reste le plus discret possible. Je suis tellement discret. Qu'est-ce que je peux être discret sur les réfugiés? Accueillir des réfugiés, laisse tomber. Imagine, tu veux regarder la télé, et eux, ils aiment bien C8. Et toi, tu veux regarder un film avec Jean Reno. Moi, je prends pas le risque. Hein. C8, à tout moment, ça part en TPMP le before. Derrière, ils prennent la culture du clash et ils font des remarques sur ton lino. Non, merci. Hein. Alors, en plus, c'est facile pour Keylor Navas, il joue au PSG. Quand t'es au PSG, tu dois plus faire genre la Champions League ou genre des vraies compétitions. Oh. T'as full temps libre, quoi. C'est vrai, hein, tu vois. Si il avait été dans un grand club, c'est sûr qu'il aurait pas pu. Là, il accueille 30 réfugiés dans sa salle de cinéma privée et il a acheté 30 lits, quoi. Super. Une fois qu'ils auront pu rentrer en Ukraine, il va faire quoi avec ces lits, 30 lits? Je vais vous le dire, du sale. Ça va finir en touze à 15 contre 15. On les connaît, les footballeurs. Ça propage une maladie. On connaît la ch'touille variant du Costa Rica. Oh. Il a une salle de cinéma. Tout le monde n'a pas cet espace à Paris en plus. Moi, genre chez Morgan, tu peux accueillir 30 personnes, mais tu dois en mettre 20 en quinconce. Et tu dois superposer les 10 autres. Il y a moyen de tenir à 30, mais le premier qui tousse, il y a quelqu'un qui vole par la fenêtre. Vraiment. On a envie d'être bien chez soi. Moi, j'ai pas causé la guerre en Ukraine, par exemple. Je sais même pas ce que c'est l'OTAN. L'autre fois, quelqu'un m'a dit avec l'OTAN. Je croyais que c'était une chanson de Léo Ferré. Vous voyez ce genre de blague? Est-ce qu'on a envie de faire endurer ça à des gens qui ont fui la guerre? Non. Ah bah oui, ils ont pas mérité ça. Mais de toute façon, je dis toujours, on peut pas être, on peut pas être de toutes les causes. Moi, je donne de l'argent. Genre, ça fait 10 ans, je donne tous les mois à médecins sans diplôme. C'est comme Médecins sans frontières, mais qu'avec des médecins amateurs. Quand ils entorse, ils sont là, on tenterait pas une trachéotomie? Vraiment, peut-être t'es guéri. Hein. C'est compliqué de pas sentir une merde en ce moment quand t'accueilles personne chez toi. Moi, je me cherche des arguments dans ma tête, je me joue la carte de l'antiracisme. Je suis là, ouais, bah quand c'est que pour accueillir des blancs chrétiens, il y a du monde. Comme par hasard, quand c'est les Syriens, des Afghans ou des Soudanais, il y a plus personne. Et après, je regarde ce que j'ai fait pour les Syriens, les Afghans et les Soudanais. Ah bah, c'est discret. C'est tellement discret. Qu'est-ce que j'ai pu être discret? Arsène Lupin, je te le dis. Quand il y avait la crise des réfugiés syriens, j'avais le même raisonnement. J'étais là, ah bah quand c'est pour accueillir les victimes de guerre, il y a du monde. Quand c'est pour nos SDF, là, il y a plus personne. Parfois, il y a des gens qui me disent, putain, ce qui est bien sur France Inter, tu donnes jamais de leçons. Sans blague, s'il y a un paradis, moi je serai en tribune. Ceci dit, pour les sans-abri, je m'engage. Comme un jour, j'ai donné 3 euros à un SDF. By the way, il ne me les a toujours pas rendus. Moi, je dis, c'est pas correct, Daniel. Franchement, vous allez me dire qu'avec 2 chroniques par jour à Inter, vous n'avez pas pu réunir la somme. Ah ben, l'ingratitude, ça encourage pas les gens à être solidaires. En plus, solidaire, ça m'a servi à quoi? L'autre, là, je lui ai donné mon Kiri. Je crois qu'elle m'aurait donné son Pimps. Pas du tout, franchement. En vrai, ma seule justification honnête. C'est que réfugié ou pas, moi j'aime pas trop quand il y a des autres gens chez moi, quoi. C'est vrai. Déjà, quand j'ai des amis proches à la maison, ils arrivent à 20h, à 20h35, je suis là, bon bah c'était une belle soirée. Ils descendent, il y a déjà 4 Uber qui les attendent en bas. Politiquement, j'autolégitime mon inaction en me disant, ouais, mais de toute façon, c'est à l'État de bouger. Il y a 20 000 logements inoccupés à Bruxelles, puis il y a 100 000 logements à Paris. On a trouvé des ressources financières pour le Covid, on pourrait parfaitement accueillir tous les réfugiés de manière digne et systématisée. Et là, je me rappelle, je suis pas à la matinale de France Inter. Et Leïla Salamé m'a rien demandé. De toute façon, c'est à Poutine. C'est à Poutine de reloger les réfugiés, c'est lui, c'est sa faute. En plus, il a la place, il a 20 maisons, 20 maisons quoi, c'est quasi 4 de plus que Nagui. Il a 20 maisons et 15 hélicoptères, Poutine, vous rendez compte? D'après ses opposants en tout cas, parce qu'officiellement, Poutine, il a juste un T2 à Clamart et un Segway d'occasion, tout ce qu'il a déclaré. Mais c'est sa faute la guerre, hein, et un peu aussi à l'OTAN. L'OTAN qui on emporte le vent, et ben c'est, voilà, ça rend pas plus drôle, ça rend pas plus drôle. L'OTAN emporte le vient vent. Vient de comprendre la première de un jour, je vais peut-être accueillir des réfugiés chez moi, mais pour le moment, je suis un peu tétanisé. Et je me demande si ça fait de moi une très très mauvaise personne, oui, ou si les gens qui le font sont vraiment des très très bonnes personnes. C'est la question du jour, vous avez 2 heures. Allez, bonne émission. Merci, bien, Bobby.